déjà assez pleuré. À présent, faut nous lever. Nous déjà assez pleuré. Déjà content pour nous lever. Nous déjà assez pleuré. À présent faut nous lever. Déjà assez pleuré. Déjà content pour nous lever. De bas corps, tant que dit mala, des missions. Thank you. Coco, basonga, miso.